Bonjour et bienvenue pour cette 14e méditation. Tu vas commencer par prendre ta posture habituelle et respirer calmement. Aujourd'hui, on va essayer de déplacer le centre de ta conscience de l'intérieur vers l'extérieur, de ton moi vers l'environnement. Commence par porter toute ton attention sur le haut de ta tête. Imagine que c'est tout au sommet de ton crâne que se situe ta conscience. Pense à tout ce que tu ressens à cet endroit-là, au contact avec l'air au-dessus et avec l'activité de ton cerveau en dessous. Porte ensuite ton attention sur le point entre tes deux sourcils. Porte toute ton attention sur ce point. Ressens tout ce que ce point ressent. Imagine que c'est là que se situe ta conscience. Imagine que tout ton être se situe là. Porte ensuite toute ton attention sur tes narines. Porte toute ton attention sur l'air qui rentre et sur l'air qui sort. Imagine que c'est là que se situe ta conscience. Imagine que tu n'es plus ton nez, mais l'air qui rentre et qui sort de ton corps. Imagine que ta conscience est cet air. Imagine que tu es ce souffle. Descends maintenant le centre de ton attention vers ta gorge. Porte toute ton attention sur le point entre ta poitrine et ta gorge. Porte maintenant toute ton attention sur ta poitrine. Imagine que c'est là que se situe ta conscience. Porte maintenant toute ton attention sur ton ventre. Imagine que tu es ce point de ton ventre qui se gonfle quand tu inspires et se vide quand tu expires. Descends maintenant le centre de toute ton attention sur ton bassin. Ressens le contact avec le sol. Concentre toute ton attention sur ce contact entre toi et le monde extérieur, en dessous de toi. Si tu es assis sur une chaise, imagine que tu deviens cette chaise et que c'est là que se situe ta conscience. Médite sur ce contact et imagine que tu deviens le sol. Imagine que tu deviens le sol qui supporte ton corps. Déplace le centre de ta conscience en dessous de ton corps. Petit à petit, très lentement, tu vas éloigner le centre de ta conscience pour qu'il soit le plus loin possible de ton corps. Tu vas continuer jusqu'à la fin de la méditation. C'est maintenant la fin de la méditation, tu peux lentement ouvrir les yeux. Maintenant que tu as déplacé ton moi et que tu as fait qu'un avec le monde autour de toi, tu dois ressentir le monde différemment, essayer de voir ce que cela change de ton expérience, de toi-même et des autres et de l'univers, et emporte un peu de l'état méditatif que tu as créé aujourd'hui avec toi. Si tu es allé jusque-là, c'est que tu fais partie des personnes les plus motivées, les plus disciplinées. Tu peux être fier d'être arrivé jusqu'à ce point. Et même si aujourd'hui tu n'as pas fait qu'un avec ton environnement, ce n'est pas grave. Tu as déjà progressé énormément dans cette voie. L'exercice d'aujourd'hui était particulièrement compliqué et c'est naturel de ne pas y arriver la première fois. On se retrouve demain pour le dernier exercice de méditation. Passe une très bonne journée.